Toi aussi, parle, toi aussi, parle, parle en dernier, dis ta parole, parle, laissant séparer le nom du oui. Donne aussi le sens à ta parole, donne-lui l'ombre, donne-lui assez d'ombre. Donne-lui autant d'ombre que tu en sais partager autour de toi entre minuit et midi et minuit. Regarde tout autour, hein, vois comme ce qui t'entoure devient vivant. Un homme de la mort du vivant qui parle l'ombre, parle vrai. Le lieu où tu te tiens, où aller maintenant, des nuées d'ombre, où aller, monte à ta tombe, monte, te voilà plus ténu, plus méconnaissable, plus fin, un fil où l'étoile veut glisser et descendre, pour nager en bas, tout en bas. Où elle se voit scintiller dans la houle des mots qui cheminent.